إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on est aujourd'hui au cours numéro 34 dans l'explication du livre Al-Adillat al-Shar'iyya li kashf al-talbisat al-hizbiyya ala al-mujtama'at al-islamiyya et c'est une réfutation des principes des groupes de hizbiyyin comme les Ikhwan et les autres de cette tendance qui essaient de défendre l'idée que on peut utiliser la démocratie pour établir un état islamique. Et donc, ce chef, il a ramené dans son livre toutes les preuves et il a répondu à toutes les shubuhat et tous les faux arguments qui sont présentés par ces gens-là pour essayer de défendre la démocratie. Alhamdoulilah, donc on est arrivé à la fin du livre. Et aujourd'hui, on devrait terminer ça, aujourd'hui, bismillah. Donc, c'est le cours 34. Et le chef, il est en train de continuer encore à répondre à certaines des shubuhat d'Abdelmajid al-Zindani, le Ikhwani au Québec, le Ikhwani au Yémen, pardon. Et Abdelmajid al-Zindani, c'est un pharmacien de formation, d'accord. Les gens le considèrent souvent comme étant un cheikh, un savant de l'islam, pourtant c'est un pharmacien de formation, et il n'est pas parmi les ulama, comme Cheikh Mourbil il l'a expliqué. Hein. Donc, le شيخ dit الملاحظة الحادية عشر قال الديمقراطية كلمة أجنبية ليست بعربية ولها أصلان الأول أن يحكم الشعب أو أن يحكم الشعب نفسه بنفسه أي يحل ما شاء ويحرم ما شاء وهذا هو الكفر الصريح الذي قلت عنه صنم العصر ولكن هنالك جانب من الديمقراطية عندنا وله اسم آخر وهو أن يختار الشعب حكامه. Donc ça c'est une shubha que Abdelmajid al-Zindani a mentionné et elle est mentionnée par d'autres également qui essaient de supporter ou défendre cette idée-là. Comme Al-Qardawi, il utilise la même shubha dans sa façon de prétendre qu'on peut utiliser la démocratie. Puis Tariq Ramadan et d'autres aussi de cette tendance-là, ils utilisent cette shubha et on va voir c'est quoi cette shubha. Ils disent que Zindani dit la démocratie c'est un mot étranger, c'est pas arabe, c'est pas un mot arabe et elle a deux fondements ou deux origines. La première c'est que le peuple se dirige par lui-même, c'est-à-dire le peuple peut rendre halal ce qu'il veut et rendre haram ce qu'il veut. Et il dit, ça c'est un kufr clair. Et j'ai dit moi-même à ce sujet-là que c'est l'idole de l'époque. C'est l'idole de l'époque actuelle. Mais il y a un autre aspect à la démocratie qui est connu pour nous par un autre nom. Et c'est-à-dire que le peuple choisit ses dirigeants ou son dirigeant. Donc lui, il essaie de diviser la définition de la démocratie. Il y a une partie de la démocratie qui signifie que le peuple se dirige par lui-même, comme la définition du mot démocratie lui-même, demos kratos, demos ça veut dire le peuple, et kratos c'est le pouvoir, donc le pouvoir du peuple. et que c'est le peuple qui se dirige lui-même. Donc ça c'est la définition qui est connue, que tout le monde connaît par rapport à la démocratie, la souveraineté du peuple. Tandis que lui, il dit, il y a une autre définition à la démocratie, c'est-à-dire que tu choisis ton dirigeant. Et ça, on va voir que premièrement, ça c'est la démocratie elle-même, hein, et que ça fait partie de la démocratie, hein, et que de dire qu'il y a deux définitions à la démocratie, ça c'est faux, c'est pas ça qui est connu par ceux qui appellent à la démocratie et qui enseignent la démocratie. Ils n'ont jamais dit qu'il y a deux catégories, une qui consiste uniquement à choisir son dirigeant, puis une qui consiste à légiférer, ainsi de suite. Donc tout ça, c'est pour lancer de la poudre aux yeux aux gens qui connaissent pas et qui comprennent pas la réalité de ce sujet-là. Donc, Al-Qardawi, il utilise la même chose. Et le frère qui a écrit, qui a le site qui s'appelle la page de la Maison de l'Islam, ou page... la page de l'Islam, ou je sais pas quoi, il s'appelle Ahmed Lala, puis il y a un autre qui s'appelle Mohamed Patel. Eh bien, les deux, ils ont des textes qui défendent ces idées-là, qu'il y a une démocratie, c'est-à-dire de choisir le dirigeant, puis que ça, c'est pas contraire à l'Islam, puis qu'on peut enlever du pouvoir le dirigeant quand il est injuste, ainsi de suite, comme les Khawarij, hein. Donc, on va lire la réponse, qu'est-ce que le cheikh il dit à ce sujet-là, pour voir comment répondre à ces gens-là lorsqu'ils utilisent ce genre de choubha. يا شيخ دي قلت من أين لك بهذا التقسيم المبتدع للديمقراطية؟ إن النظام الديمقراطي ليس له إلا معنى واحدا وهو حكم الشعب بالشعب، والنوع الثاني الذي زعمت بأنه من ديننا هو نفسه معنى حكم الشعب بالشعب، ثم إنك قد عرفت الديمقراطية في شريط لك بعنوان تحريم الانتخابات بأنها حكم الشعب بالشعب وهي أصل وثني. ونقلت عن الرئيس إبراهام لينكولن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية تعريفه للديمقراطية مقرا له بأنها حكم الشعب بالشعب، بل كل من تناول مسألة الديمقراطية بالحديث لا يختلفون بأنها حكم الشعب بالشعب، وأنها كفر، ولم يتعرضوا لما قمت به من تقسيمها إلى قسمين، فهل جهل هؤلاء ذلك؟ وعلمت أنت؟ هل غفلوا عن ذلك وتنبهت؟ هل نسوا ذلك وتذكرت؟ أم إنه ابتدعته من عندك أو من عندياتك؟ ثم من أين لك أن الشعب له أن يختار حكامه بطريقة النظام الانتخابي؟ وقد تقدمت الأدلة الناصعة التي تدل على تحريم هذا النظام جملة وتفصيلا. Le chef explique, il dit, où est-ce que tu as trouvé cette division innovée de la démocratie, hein? Que le système démocratique, yani c'est une partie que c'est le peuple qui se dirige par lui-même, puis l'autre partie c'est choisir le dirigeant. Où est-ce que tu as trouvé ça? La démocratie, le système démocratique, il n'a qu'une seule et unique définition. C'est que le peuple se dirige lui-même. Et la deuxième catégorie que toi tu prétends que ça fait partie de notre religion, hein, ça c'est la même signification que la signification de la souveraineté du peuple, ou que le peuple se dirige lui-même, parce qu'il choisit son dirigeant. Hein. Puis toi tu as toi-même défini la démocratie de cette manière dans une de tes cassettes que tu as faites, qui s'appelle l'interdiction des élections. Tahrim al-intikhabat. Hein? Ça, c'est le titre de la cassette. Après, tu as dit que c'est le pouvoir du peuple, ou que c'est le peuple qui se dirige lui-même. Le peuple qui est dirigé par le peuple. Et tu as dit que c'est à l'origine, c'est une origine païenne, idolâtre. Hein? Et puis tu as mentionné les paroles du dirigeant Abraham Lincoln, hein, qui était un des fondateurs, des pères fondateurs des États-Unis d'Amérique. Et il a défini lui-même la démocratie en disant que c'est le peuple qui dirige le peuple. C'est le gouvernement du peuple qui est dirigé par le peuple. Et il dit, tous les savants qui ont parlé de la démocratie, ils n'ont jamais divergé entre eux sur la question de la définition de la démocratie. Ils étaient tous d'accord pour dire que c'est le peuple qui dirige le peuple et que c'est kufr. Et ils n'ont jamais commencé à diviser les choses en deux catégories comme toi tu l'as fait. Est-ce que ces gens-là, ils n'ont pas su cette division-là alors que toi tu l'as su? Est-ce qu'ils en ont été insouciants alors que toi tu as fait attention? Est-ce qu'eux ils ont oublié alors que toi tu t'en es souvenu? Ou bien tu l'as inventé de toi-même? Où est-ce que tu as entendu, où est-ce que tu as appris, où est-ce que tu as su, d'où est-ce que tu as tenu cette idée que le peuple dans l'islam a le droit de choisir son dirigeant par le système de l'élection? Où est-ce que tu as trouvé ça? Alors que nous on a présenté les preuves qui sont irréfutables que c'est interdit ce système d'élection, complètement, peu importe de quelle façon tu veux l'appliquer. Après le cheikh il dit thumma lam yaqif bika al-hal 'inda hadha at-tafsil al-mubtada' lid-dimokratiyya bal aqadta tastadillu lahu wa tusawwiruhu biqawlihi sallallahu alayhi wa sallam innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq thumma tasa'alta fahal idha qala ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam mutammiman limakarim al-akhlaq wa anna hunaka akhlaqan kanat fil jahiliyya طيبة هل لأنها كانت في الجاهلية نشطب عليها؟ وجوابا على قولك هذا يقال إن الذي أقره الرسول صلى الله عليه وسلم من أخلاق الجاهلية ما أقره إلا بوحي من عند الله. Donc le cheikh il dit ensuite, et tu n'étais pas arrêté à vouloir faire cette division de la démocratie que tu as inventée toi-même. Tu t'es pas arrêté là. En plus, tu as essayé de justifier ça puis d'utiliser un autre argument comme preuve en mentionnant les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a dit « J'ai été suscité ou on m'a envoyé uniquement pour compléter le meilleur ou le plus noble des comportements, le plus noble des caractères. » Donc, il se base là-dessus pour essayer de justifier la démocratie. Et ça, on en a des gens comme ça à Montréal parmi les Ikhwan qui essaie de parler de cette façon. Ils disent, nous, qu'est-ce qui compte pour nous, c'est de travailler sur les valeurs qu'on a en commun, les valeurs de la société québécoise. Hein. Ils parlent aux koufars de cette manière. Ils disent, la justice, la propreté, l'honnêteté, hein, le respect de la nature et des trucs de ce genre. Donc, on a toutes ces valeurs en commun. Nous, on est d'accord avec ça. Et ils oublient de parler des valeurs qu'on n'a pas en commun, c'est-à-dire des valeurs qu'on a nous en islam, que eux les koufars rejettent, qui sont les fondements du tawhid, qui sont les fondements de la foi en l'islam, la foi en le Coran et la foi en la sunna, et le rejet du tawhid, le rejet du shirk et le rejet du kufr, hein, et les bases de la foi et de l'islam, ces choses-là qui nous divisent. Hein, et qui nous sépare de ces coupables. Donc comment parler juste de ces soi-disant valeurs et négliger les choses les plus importantes et les plus essentielles de notre religion, sans compter d'autres exemples aussi et d'autres péchés que ces gens-là considèrent comme étant acceptables alors que pour nous elles sont complètement à rejeter. Donc eux ils disent, ils utilisent ce hadith-là pour dire il y a des valeurs universelles sur lesquels on est tous d'accord, elles existaient avant l'islam. Elles existaient dans la jahiliya. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a acceptées. Donc ça prouve que c'est des valeurs universelles, soi-disant. Et le cheikh, il explique, il répond à ça. Il dit, parce que eux, ils posent la question, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour compléter la noblesse et caractères, alors, ça veut dire qu'il y avait un caractère et un comportement dans la jahiliya qui était bon. Est-ce que parce que c'est un comportement de la jahiliya, on va le rejeter? Hein? Le cheikh, il dit, pour répondre à cette choubha, il dit, ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a accepté dans la jahiliya, c'est uniquement en se basant sur la révélation qu'il l'a accepté. Et donc il les a acceptés, ces comportements-là et ces caractères-là de la jahiliya, parce qu'ils étaient en accord avec la révélation, pas parce que c'était des valeurs universelles, soi-disant comme eux ils disent, parce que les valeurs universelles, c'est les valeurs de l'islam. Hein? C'est pas qu'il y a des valeurs universelles en dehors des valeurs islamiques, comme ces gens-là, ils essaient de prétendre. Hein? Non. Les valeurs que les koufars ont, qui sont en accord avec l'islam, oui, on les accepte, parce qu'elles sont en accord avec les valeurs universelles de l'islam. Mais celles qui sont en contradiction avec les valeurs de l'islam, on les rejette. Ben, c'est sûr qu'ils avaient des restes de la religion d'Abraham, et même les koufars d'aujourd'hui, là, qui se disent laïcs ou athées, ils ont encore plein de valeurs de la religion juive ou chrétienne qu'ils suivent aujourd'hui. Et ça, ça vient de quoi? Ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, sur ces principes-là, on va accepter, mais les choses dans lesquelles ils ont contredit le message des messagers et la révélation d'Allah, on va les rejeter. Comme par exemple, quand ils parlent d'homosexualité et de trucs comme ça, ça c'est dans leurs valeurs, ça. Est-ce que nous, on va accepter ça, ces valeurs-là, parce qu'eux, ils acceptent ces valeurs-là? Pour eux, c'est des valeurs universelles. Que quelqu'un, il a le droit de se marier avec un homme s'il est un homme, puis une femme si elle est une femme. Ça, c'est pour eux des valeurs universelles. Nous, on n'accepte pas ça. Et ça, c'est pas des valeurs universelles, au contraire. Hein? Donc, ça, c'est juste un exemple. Pour eux, la fornication, c'est une valeur universelle. Quelqu'un a le droit d'avoir des rapports sexuels avec un autre adulte consentant, tant qu'il veut, comme il veut. Hein? Et nous, on dit non, c'est faux, c'est pas vrai. C'est pas des valeurs universelles, ces choses-là. Même s'ils prétendent que c'est des valeurs universelles. Et ils prétendent que le shirk et l'idolâtrie et le kouf et les autres trucs de sorcellerie et de magie, puis que ça, c'est pas interdit. Ça doit pas être interdit par la loi. Alors que tous les messagers d'Allah ont interdit ces choses-là. Hein? Donc ça, c'est des exemples. Après le shirk, il dit « Amma qawluka inna hunak » أشياء فيما يقصدون بالديمقراطية أشياء صحيحة مثل اختيار الشعب لحكامه وإلزام الحكومة بمشاورة النواب ومحاكمة كبار المسؤولين وعزل المسيء عند منهم وهذه مبادئنا هذا ديننا بوحي من؟ الشيخ بوحي من؟ أبوحي من عند الله أم بوحي من عند الشيطان فإن كانت من عند الله ومن ديننا فما تزعموا فبرهن على ذلك بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة ومن سيرة السلف الصالح وهيهات هيهات أن تجد ذلك أما مجرد الدعوة فقد شبعنا وشبع الشعب من دعاويكم الخالية من البرهان والحمد لله قد تم إجلاء الأمر من جميع الجوانب بأدلة واضحة لكل سني متبع وصواعق مرسلة على كل ضال مبتدع فظهر أن هذه الدعوة من وحي الشيطان الرجيم قال تعالى إن الشيطان سول لهم وأملى لهم أضف إلى ذلك لما لم تذكر هذا التفصيل المبتدع عندما أجرت مجلة المستقبل حوارا معك وسألتك ما رأيك في الديمقراطية قلت فقبلناها وقبلها علماء اليمن عندما قيل لنا هذه شورى. Donc le cheikh il répond encore une fois, il dit, et toi, il parle d'Abdul Majid Zindani. Il mentionne une de ses paroles encore une fois. Il dit, tu as dit, il y a dans la démocratie des choses qu'ils veulent dire qui sont bonnes, qui sont correctes, comme par exemple de choisir que le peuple choisisse son dirigeant, d'imposer aux dirigeants de consulter les députés, de juger les grands responsables lorsqu'ils font des choses qui ne sont pas correctes, de les enlever de leur poste, de les destituer lorsqu'ils font du mal. Tout ça, il dit, ça c'est de nos principes à nous, c'est de notre religion à nous. Le cheikh il répond, il dit, de quelle révélation ça? De quelle révélation? Est-ce que c'est la révélation d'Allah ou bien la révélation du shaitan? Hein? Si tu prétends que ça vient d'Allah et que c'est de notre religion, comme tu le prétends, alors amène les preuves évidentes et amène les preuves qui sont tranchantes et claires du Coran et de la Sunna et de la voie des salafs salih. Hein? Et et jamais, hein, jamais, jamais tu vas être capable de trouver ces preuves-là. C'est seulement des prétentions que vous faites, hein, et le peuple en a ras-le-bol, comme on a dit, hein, de vos fausses prétentions. Hein. On est rempli, on a été rempli, rempli de vos prétentions, et le peuple a été également ras-le-bol de vos prétentions qui sont vides, qui n'ont aucune preuve. Alhamdulillah, et on a éliminé toutes les shubuhat et les choses que vous pouviez essayer de ramener pour supporter vos idées, avec des preuves claires que toute personne peut comprendre, que tout le monde peut comprendre, et toute personne qui est sunni, et sur la sunna, et qui suit la sunna, il peut comprendre clairement ces preuves qu'on a mentionnées qui réfutent vos idées. Et également, ce sont des foudres, hein, qui sont envoyées sur vous, hein, sur les gens de bid'a et sur les gens d'égarement. Chaque égaré, chaque mubtadi, il est frappé par cette foudre qui vient des preuves qu'on a mentionnées. Et donc, on a fait clairement apparaître la da'wa, pour que votre da'wa et vos prétentions, c'est de la révélation du shaitan, al-rajim. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 25 dans surat Muhammad, ذلك الشيطان سول لهم وأملى لهم. C'est-à-dire le shaitan les a séduits et trompés. Et le verset au complet, ça dit quoi? Ça dit إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. C'est-à-dire, ceux qui sont revenus sur leur pas après que le droit chemin leur a été clairement exposé, le diable les a séduits et trompés. C'est ça le verset au complet. Ensuite, le cheikh il dit, et rajoutons à ça, pourquoi tu n'as pas mentionné le détail de cette invention que tu as fait, de diviser la démocratie en deux catégories, hein, comme tu l'as fait. Lorsque tu appelles l'entrevue avec le magazine Al-Mustaqbal, lorsqu'ils ont fait un entretien avec toi et qu'ils t'ont posé la question « qu'est-ce que tu penses de la démocratie ?» et que toi tu as répondu « nous l'avons accepté » et les savants du Yémen l'ont accepté, lorsqu'on leur a dit « c'est la Shura ». Le chef il répond maintenant, il dit « li ma'aka fil jawab waqfatan al-waqfatu lula qawluka qabilaha ulama al-Yémen qultu fahala sammeyta lana ha'ula al-ulama hatta ينظروا أهم من علماء اليمن السلفيين أم من علماء البدعة المضلين الداعين إلى الانتخابات ومما يؤيد أنهم من دعاة وعلماء الانتخابات البيان الذي صدر عن علماء اليمن كما نشرته جريدة الجمهورية ومما جاء فيه نصه على ترسيخ الحرية والعدالة والمساواة بين جميع أبناء الشعب اليمني وفي كافة محافظات الجمهورية اليمنية وضرورة الالتزام بمبدأ التداول السلمي للسلطة. Le cheikh dit, j'ai deux points à mentionner par rapport à ta réponse que tu as donnée au magazine Al-Mustaqbal. Le premier point, c'est lorsque tu as dit que les savants du Yémen l'ont accepté. Je dis, pourquoi tu n'as pas mentionné le nom de ces soi-disant savants dont tu parles, pour qu'on puisse vérifier est-ce que ce sont les ulama qui sont sur la sunna et qui sont salafiyin, ou bien ce sont ceux qui sont sur la bid'a et qui sont des gens qui sont dans l'égarement parmi ceux qui appellent et qui invitent aux élections. Et le cheikh dit ensuite, وَمِمَّا يُعَيِّدُ أَنَّهُمْ مِنْ دُعَةِ الْعُلَمَاءِ الْإِنْتِخَابَاتِ. Il dit, et parmi les choses qui supportent et qui montrent que ceux dont tu parles sont les gens qui invitent aux élections et qui sont les ulama des élections, la clarification qui a été mentionnée de la part de certains ulama du Yémen qui ont été diffusés dans le journal de la République, Jaridat al-Jumhuriya, le 6 du mois de Safar 1415, qui correspond au 14 juillet 1994. Le numéro du journal, c'est, de l'édition, c'est 9132. Ça, c'est pour ceux qui voudraient vérifier. Donc, dans ce journal-là, ils ont mentionné, ils ont mentionné une série de soi-disant ulama qui sont en accord avec la démocratie, et c'est la preuve que ce ne sont pas des ulama salafiyin, parce que qu'est-ce qui était mentionné dans cet écrit-là, c'est le texte, c'est écrit, qu'est-ce qui suit? C'est écrit pour ancrer la liberté, la justice et l'égalité entre tous les fils du Yémen, du peuple yéménite. وفي كافة محافظات الجمهورية اليمنية et dans toutes les provinces de la République yéménite. وضرورة الالتزام بمبدأ التداول السلمي للسلطة et la nécessité de prendre de rester ou de suivre le principe d'échange de pacifiste du pouvoir, c'est-à-dire de s'échanger de façon pacifiste le pouvoir, comme dans les élections et tout ça. Donc c'est la preuve que ce ne sont pas des ulama salafiyin, parce que des ulama salafiyin ne vont jamais être d'accord avec ces idées-là. Et le cheikh il explique que, qu'est-ce qu'il explique ici? Ça me fait penser à la même chose qu'est-ce que les Hizbin à Montréal ils ont fait quand ils ont parlé de la charte, la charte de la citoyenneté. Ils ont écrit une charte, une déclaration citoyenne au Québec. Tous les groupes de Hizbin à Montréal, les associations, les mosquées, des individus qui sont connus dans la communauté, soi-disant, dans la communauté des Hizbin, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écrit une charte dans laquelle ils affirment leur citoyenneté et qu'ils sont des Québécois à part entière, qui sont d'accord avec la démocratie, avec l'égalité des sexes, avec la liberté de religion et de croyance, ainsi de suite. Et ça, c'est des choses contraires à l'islam, contraires au fondement de la religion. Et ils ont mis toutes les signatures et les noms des personnes qui ont signé et les associations qui sont d'accord avec eux dans cette organisation-là et dans cette déclaration-là. Donc tout ça, c'est pour montrer l'égarement de ces gens-là. Ensuite, il y a eu aussi d'autres choses de ce genre aussi en Europe. Il y a soi-disant 400 mosquées et associations qui ont signé une genre de charte, de déclaration soi-disant de charte des droits et libertés, etc. Puis ça aussi c'est la même chose que les Hizbin ici au Québec, qui ont fait cette même charte-là, soi-disant la charte islamique pour les musulmans en Europe. Donc tout ça c'est des exemples de Hizbin qui veulent se présenter comme étant les représentants de l'islam et des musulmans, et ils approuvent des principes et des idées démocratiques pour faire plaisir aux kuffar. Après le cheikh il dit al-waqfatu thaniya qawluka عندما قيل لنا هذه الشورى عندما قيل لنا هذه الشورى هذه الوقفة الثانية قلت الرد من وجهين الوجه الأول بين لنا من الذين قالوا لك إنها شورى أم أنكم تقبلون الكلام من كل ناعق به والوجه الثاني إن لفظة قيل عند علماء الحديث تستخدم في الغالب لتضعيف القول والحمد لله فالقول بأن الديمقراطية شورى قول ضعيف بحكمكم وإن كنتم تعرفون استخدام العلماء لمثل هذه الألفاظ وقد تم بيان ضعف هذا القول من عدة وجوه كما تقدم. Donc, le chef, il dit, le deuxième point de vue pour réfuter cette idée-là, la deuxième partie qu'on voulait critiquer par rapport à la réponse qu'il a faite au journal ou au magazine de Al-Mustaqbal, c'est lorsqu'il a dit que les ulama ont accepté. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, عندما قيل لنا هذه شورى. Lorsqu'on nous a dit, ou lorsqu'on nous a dit que c'était une shura. Lorsque des gens sont venus pour leur dire que ça c'est de la consultation, on l'a accepté. Donc le cheikh il dit, on peut répondre à ça de deux points, de deux façons. Qui sont venus, c'est qui les gens qui sont venus vous dire que ça c'est choura? Hein? Qui sont venus vous voir pour vous dire que ça, la démocratie, ça équivaut à la choura? Est-ce que vous acceptez la parole de n'importe quel individu qui vient vous prétendre quelque chose ou vous dire quelque chose? Ça c'est de un. Et deux, la deuxième point qu'on peut dire, lorsque tu as utilisé le terme ici, tu l'as utilisé, le mot qal, tu l'as dit mabni lil majhoul, comme tu as dit qil. Et quand on dit quelque chose, comme quand on parle de quelque chose, on dit qila. En arabe, les ulama hadith, quand on utilise cette formule, cette forme-là pour dire quelque chose, ça implique que la parole qu'on dit là, elle est faible, elle est pas authentique. C'est-à-dire qu'au lieu de dire il a dit, tu dis on a dit. Hein? Donc ça veut dire que c'est pas certain est-ce que c'est vrai ou non, mais on raconte. On dit. Donc, quand quelqu'un dit quelque chose dans cette façon-là, ça implique que la parole que tu dis, elle est faible. Et donc, lorsque tu as parlé de la démocratie et que tu dis que ça, on nous a dit que c'est la choura, indirectement, c'est comme si tu es en train de nous dire que ça, c'est une parole qui est faible. Et alhamdoulilah, c'est vrai, puisque la démocratie, c'est une parole qui est faible de dire que c'est une choura. Et donc, vous avez jugé par vous-même que cette utilisation-là et ce terme-là, il est faible lorsque vous dites que c'est la Shura. Même si vous ne saviez même pas l'utilisation des savants de hadith par rapport à ce terme-là, vous l'avez fait peut-être même inconsciemment. Et puis le cheikh il dit, « Bal hum yulabbisouna » قال الشيخ مفضل رحمه الله « Bal hum yulabbisouna ala nas yughalitounahum fi hadhihi al-mas'ala wa yulabbisounahum libas al-islam » ينبسونهم لباس الإسلام وعبد المجيد الزنداني أولهم في ذلك. الشيخ الزي الشيخ مقبل en bas de page il a mis une note, il a dit ces gens là c'est eux qui trompent les gens et ils induisent les gens en erreur au sujet de cette question de démocratie en disant que c'est la Shura et ils trompent les gens, ils mettent à la démocratie une apparence islamique. Pour donner une apparence islamique, il l'appelle Shura. Et Abdul Majid al-Zindani, c'est un des premiers à faire ça. Donc, il fait semblant qu'on lui a dit ça, alors que c'est lui-même. Il dit, on nous a dit c'est Shura. C'est lui le premier à dire que ça c'est Shura. Alors, il veut tromper les gens. Le Cheikh dit, « وَقَدْ سُئِلَ أَيْضًا فِي نَفْسِ الْجَرِيدَةِ فَقَالَ السَّائِلِ مَا رَأْيُكُمْ أَوْ مَا رَأْيُكَ فِي الْأَحْزَابِ فأجاب كل حزب يتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو على الحق بقدر تمسكه بالكتاب والسنة وهو على الخطأ والباطل بقدر ابتعاده عن السنة عن الكتاب والسنة. Donc il y a une autre question qui a été posée par le même magazine. On lui a demandé quelle est votre opinion au sujet des partis. Abdul Majid al-Zindani a répondu, il a dit, tous les partis qui s'accrochent au Coran et à la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, alors il est sur la vérité, selon la proportion dans laquelle il s'accroche au Coran et à la Sunna. Wa huwa ala al-khata wal-batil bi qadri ibti'adihi. Donc, et ce parti est dans l'erreur et dans la fausseté, selon la proportion d'éloignement qu'il a du Coran et de la Sunna. Le cheikh, il dit, il répond à cette parole. Et ça, c'était dans le magazine Al-Mustaqbal, le numéro 84, le 1er mars 1992 de la deuxième année. Le cheikh, il dit, أقول, je dis, أين أنت من الآيات والأحاديث التي تحذر من الحزبية وتضم الاختلاف ألم تسمع قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وقوله تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وقوله ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون وغيرها من الآيات وقد تقدم ذكر ذلك في الباب الثاني في الباب الثاني عند الكلام على مفاسد الانتخابات المفسدة الثانية. فأين هذا التقسيم في هذه الآيات؟ إن التحزب والأحزاب الموجودة في الساحة كلها أحزاب مبتدعة ضالة، ذلك أن الذي يمثل حزب الله حقا هم أهل السنة والجماعة السلفيون، وما عداهم من سائر الأحزاب فهي من أحزاب الشيطان بما فيهم الاشتراكيون والناصريون والشيعة والبعثيون وغيرهم. فهل يقال إن في هذه الأحزاب حقا؟ ما الحق الذي عند هؤلاء ليس موجودا عند الفرقة النادية المنصورة السلفيين؟ إن هذا التفصيل قد يقال عند الحديث عن الأفراد، أما الأحزاب بتنظيماتها وهيئاتها ومبادئها فالذي يقال فيها إنها أحزاب مبتدعة وباطلة. لشيخ الدين pour répondre à cette parole de Zindani au sujet des partis. Il dit, où est-ce que tu as, où te tiens-tu par rapport au verset et au hadith qui avertissent les musulmans contre le partisanisme et qui blâment et qui critiquent la divergence? Est-ce que tu n'as pas entendu le verset dans lequel Allah a dit dans le Coran, ceux qui ont divisé leur religion et qui sont devenus des sectes, tu n'as rien à voir avec eux? Donc, en quoi que ce soit, lasta minhum fi shay. Ça c'est dans le verset 159 dans Surat Al-An'am. Et le verset ensuite, et ne soyez pas, alaykum salam, rahmatullahi wa barakatuh, et ne soyez pas parmi les mushrikines, parmi ceux qui ont divisé leur religion et qui sont devenus des sectes, chaque partie se réjouissant de ce qu'ils ont avec eux, de ce qu'ils possèdent. Ça c'est le verset 31 et 32 dans Surat Ar-Rum. Le Cheikh il dit, et aussi le verset 19 dans Surat Al-Mujadala, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et le parti du shaitan, ce sont les perdants. Le parti du shaitan, ce sont les perdants. Ensuite, le Cheikh il dit, il y a beaucoup d'autres versets qu'on a déjà mentionnés dans le deuxième chapitre, lorsqu'on a parlé des méfaits de la démocratie, on a expliqué dans le deuxième méfait tout ce qui a rapport avec cette question. Alors, d'où est-ce que tu trouves, toi, cette division par rapport où est-ce que tu as trouvé cette catégorie, cette façon de catégoriser les partis par rapport à ces versets, de dire que il y a que c'est de dire que c'est permis qu'il y ait des partis dans l'islam. Le cheikh il dit le partisanisme et les partis qui sont présents actuellement sur le terrain sont tous des partis de bid'ah égarés. Et le seul parti qui est représenté par l'islam, le seul qui est le parti d'Allah parmi les partis, parmi les groupes, c'est ceux qui sont réellement le parti d'Allah et le hizb d'Allah, ce sont Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah, as-Salafiyoun. C'est eux qui sont le parti d'Allah. Les autres partis sont des partis de bid'ah et ce sont des partis du shaitan. Et y compris parmi eux les socialistes et les nasiristes et les chiites et les ba'thiyouns et les autres également. Ce sont tous des partis du shaitan. Et est-ce qu'on va dire au sujet de ces partis-là qu'à l'intérieur de ces partis-là il y a du vrai ou il y a des vérités? Il dit Malhaq al-lazi inda ha'oula, quelle vérité ces parties-là peuvent-ils posséder? Il dit, laysa mawjoudan inda al-firqat al-najiya al-mansoura al-salafiyin. Il dit, quelle vérité ces parties-là peuvent-ils posséder qui n'est pas déjà présent dans le parti de Ahl-Sunnah wal-Jama'a et dans le parti des salafiyin? Parce que, comme on a expliqué déjà, il n'y a pas différents partis. Il n'y a pas différents groupes dans l'islam. Il n'y a qu'un seul groupe auquel tous les musulmans doivent adhérer, sans exception. c'est le parti d'Allah, le parti du Coran et de la Sunna, le parti de Ahl Sunnati wal Jama'a, le parti du groupe sauvé et du parti victorieux, du groupe victorieux. C'est tous les musulmans, peu importe où ils sont et où ils vivent, ils doivent tous suivre cette voie et participer à cette voie et croire en cette voie et se désavouer de tout autre groupe qui est contraire à cette voie-là. C'est ça que tous les musulmans doivent suivre. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, on trouve, et dans la Sunna, on trouve des versets qui nous ordonnent d'être sur la jama'a et de suivre la jama'a et de suivre le sirat al-mustaqim, le droit chemin, et de suivre la vérité, et de suivre la révélation, et de suivre la Sunna. Il y a aucune place où on nous dit divisez-vous en parties et faites des groupes et soyez plusieurs, soyez pluralistes. Accepter la divergence et les divisions. Il n'y a rien, nulle part de ça dans le Coran. Au contraire, on trouve que Allah, il nous interdit de nous diviser. Il nous interdit d'être en groupe et en parti. Et il nous demande d'être unis et d'être tous ensemble dans le même parti. C'est-à-dire le parti qui suit le Coran et la Sunna et la voie des salafs salih. C'est ça l'obligation qu'on a et le devoir qu'on a. Donc, le cheikh, il dit, إن هذا التفصيل يفعل عند الحديث على الأفراد. Si tu veux parler par exemple comme il a dit lui, chaque partie il est sur la vérité proportionnellement à la façon dont il s'accroche au Coran et à la Sunna, et il est dans le faux et dans l'égarement par rapport à la quantité ou à la proportion avec laquelle il s'éloigne du Coran et de la Sunna. Le cheikh il dit ça, tu peux dire ça au sujet des individus. Mais tu ne peux pas dire ça au sujet du parti en général. Hein? Le cheikh dit parce que tous les partis, avec leurs organisations, et leur comité, et leurs principes, tous ces partis-là, on dit à leur sujet que ce sont tous des partis de bid'a et d'égarement. Et il dit Wallahu A'lam. Après il dit, et le Cheikh Bakr Abou Zayd il dit, وقال الشيخ بكر أبو زيد فلنعتبر بالفرق لا بشعار الجماعات الإسلامية فلنعبر بالفرق لا بشعار الجماعات الإسلامية لأن جماعة المسلمين واحدة لا تتعدد على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وما عدا الجماعة المسلمين وما عدا جماعة المسلمين فهم من الفرق من جماعة المسلمين فهم من الفرق من جماعة المسلمين. Donc le cheikh il dit que le cheikh Bakr Abou Zayd il a dit on doit exprimer. Quand on parle des partis islamiques, on ne doit pas dire les partis, on doit dire les sectes islamiques, pas les partis islamiques. Pourquoi? Parce que il y a un seul parti pour les musulmans. Il n'y a pas de partis multiples dans l'islam. Il y a un seul parti et un seul jama'a pour les musulmans. Et c'est de suivre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a suivi ainsi que ses compagnons. C'est ça le parti que Allah nous ordonne de suivre. Tous les autres groupes et partis sont en réalité des sectes qui se sont séparés de ce parti-là, qui est le parti des musulmans. Et ça, c'est un point très important à comprendre, et ça, c'est mentionné dans le livre du cheikh Bakr Abou Zayd, Hukm al-Intima. Après, le cheikh dit, « Qultu, wa kada yuqalu inna hizballahi la yata'addad » بل هو على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو الذي يمثل جماعة المسلمين أما ما عدا حزب الله من سائر الأحزاب فهي من حزب الشيطان والله أعلم. Le cheikh il dit, et de même que le parti d'Allah, il ne se divise pas, il n'est pas multiple, c'est un seul parti. Et donc, c'est le parti qui était sur ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam suivait, ainsi que ses compagnons. Et c'est ça qui représente le parti des musulmans. Tout ce qui est en dehors du parti d'Allah, parmi les autres groupes et les partis qui existent, sont des partis du shaytan. Wallahu a'lam. Le cheikh dit ensuite, « Wa shay'u bi shay'i yuzkar » hein, فمن البلايا التي ولدها النظام الانتخابي في اليمن ما قاله عبد الله سعتر في شريطه المعارضة، فقد أورد حديث التميم الداري في النصيحة، الدين النصيحة، ثم قال في مقام الإنكار على من ينكر المعارضة: فمن في الأرض لا يجوز أن نعترض عليه؟ ومن هو المعصوم إذا كان رب العالمين جل وعلا تقول له الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فإذا كان الرب رب العزة يقول لرسوله: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، قلت: انظر أخي القارئ الكريم كيف تتجارى الأهواء بأصحابها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: يكون أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى مفصل إلا دخله. رواه ابن أبي عاصم من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وصححه الألباني. انظر أخي القارئ الكريم كيف أدى الهوى بصاحبه هذا القول إلى أن يستدل بجواز المعارضة الخروج على الحاكم المسلم الملتبس بالظلم أو الفسق بقول الملائكة لربها: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ بمعنى أن الملائكة قد اعترضت على ربها بسؤالها ذلك، فكيف نمانع من جواز المعارضة؟ إن المسكين لا يفرق بين سؤال الاعتراض وبين سؤال الاستعلام والاستكشاف عن الحكمة، كما هو حال الملائكة الكرام في هذا المقام. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقول الملائكة هذا ليس على وجه ليس على وجه الاعتراض على الله، ولا على وجه الحسد لبني آدم كما قد يتوهمه بعض المفسرين، وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك. يقول: يا ربنا، ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم يفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ Le Cheikh il dit, un point vraiment incroyable, hein, le Cheikh il dit, et on peut mentionner un autre exemple de ça, parmi les malheurs que certains d'entre ces gens-là ont ramené avec le système démocratique au Yémen, ce que Abdullah al-Sa'tar, hein, il fait partie des Hizbiyin à Sana'a, hein, dans la ville de Sana'a, il l'a ramené dans sa cassette, dans une cassette qu'il a intitulée Al-Mu'arada, c'est-à-dire l'opposition. Il a mentionné le hadith de Tamim ibn Awsan al-Dari, radiallahu anhu, dans le hadith Ad-Din al-Nasiha. Naam. C'est-à-dire la religion, c'est le bon conseil. Donc, dans le hadith qui parle de la Nasiha, de donner le bon conseil, donc ce gars-là, Abdullah al-Sa'tar, ce Hizbi, il a dit au sujet de l'opposition, yani de s'opposer aux dirigeants. Il a dit, yani, il parle contre ceux qui s'opposent à l'opposition, yani ceux qui disent on ne doit pas s'opposer aux dirigeants. Donc pour les critiquer, il dit: qui sur terre, il n'est pas possible de s'opposer à lui. En voulant dire, qui est-ce qu'on n'a pas le droit, à qui on n'a pas le droit de nous opposer, hein? Qui est infaillible? Si le Seigneur des mondes, Jalla wa Ala, les anges peuvent lui dire, hein, le verset 30 dans Surat al-Baqarah, est-ce que tu vas mettre sur la terre ceux qui vont faire le désordre sur la terre et qui vont faire couler le sang, alors que nous sommes en train de te glorifier et chanter tes louanges, hein, ou bien de mentionner tes louanges et de te glorifier? Mais oui, c'est grave. Ils disent, comment on n'a pas le droit d'opposer quelqu'un, alors que même les anges s'opposent à Allah, et ils disent, quand Allah a dit qu'il va établir un être humain, il va créer les hommes sur terre, les anges disent, vas-tu y désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang, quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier. Donc, ça c'est un argument qu'il mentionne, et puis après il mentionne, il dit, et que Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à son messager et il lui dit, oh messager, oh prophète, crains Allah et n'obéis pas aux mécréants et aux hypocrites. Le verset 1, en sourate Al-Ahzab. Donc, le cheikh il dit, regarde, frère, cher lecteur, hein, comment les passions coulent dans les gens qui sont frappés par les passions. Regardez comment leurs passions circulent en eux. Hein. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit vrai lorsqu'il a dit qu'il y aura des gens en qui les passions vont couler en eux, comme la rage coule dans la personne quand elle a été mordue par un chien, hein, elle devient enragée et la rage prend le contrôle de chaque petit espace de son corps. Et bien c'est comme ça que ces gens-là deviennent lorsqu'ils sont pris par la passion, pris par la bid'a, ils deviennent enragés, comme des gens qui ont été mordus par un chien qui a la rage. Hein? Et bien c'est comme ça. Et ça c'est un hadith rapporté par Ibn Abi Asim, c'est un hadith qui est rapporté selon Mu'awiyah Ibn Abi Sufyan, radiyallahu anhuma, et qui est authentifié par Sheikh Al-Albani dans Al-Sunnah, de l'imam Al-Asfahani, Ibn Abi Asim. Le Sheikh il dit, regarde, comment la passion a amené cette personne à dire une parole aussi grave et essayer de justifier l'opposition et le fait de se rebeller contre le dirigeant qui fait de l'injustice ou qui fait des péchés en utilisant la parole des anges lorsqu'elles ont dit à Allah, est-ce que tu vas mettre sur la terre ou créer sur la terre celui qui va faire le désordre et qui va faire couler le sang ou répandre le sang? Alors, en voulant dire que les anges sont opposés à leur Seigneur en posant cette question, alors comment tu peux, toi, interdire aux hommes de s'opposer aux dirigeants? Et ce pauvre miskin, ce malheureux, hein, il ne sait même pas faire la distinction entre une question qui est posée par opposition et une question qui est posée dans le but de demander à comprendre la sagesse et à découvrir la sagesse qui est derrière cette chose-là. Comme les anges l'ont fait. Quand les anges ont posé la question à Allah, c'est pas pour s'opposer à la création d'Allah et pour s'opposer à la décision d'Allah, c'est plutôt pour demander à Allah de leur faire comprendre et de leur dévoiler ou de leur faire comprendre la sagesse qui est derrière le fait de mettre sur terre ces créatures-là, hein, et ces êtres-là qui vont faire du mal. Donc le cheikh il répond, il dit que l'imam Ibn Kathir il a répondu à ça dans son tafsir. Hein, lorsqu'il a expliqué ce verset-là, il a dit, et l'ange, les anges quand ils ont posé cette question à Allah, c'est pas pour s'opposer à la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et c'est pas par jalousie non plus pour les enfants d'Adam non plus. C'est pas par jalousie non plus, comme certains pourraient s'imaginer, hein, parmi les gens qui interprètent le Coran. Il dit non. Ils ont posé cette question pour demander à comprendre et pour demander la connaissance et pour demander de leur faire comprendre et leur faire voir la sagesse et la raison qui est derrière cette création-là. C'est tout. Donc, ils demandent au notre Seigneur, quelle est la sagesse? Quelle est la sagesse? Quelle est la raison de créer des êtres pareils qui vont faire du désordre sur la terre et qui vont faire couler le sang? Alors que nous, on te glorifie et on te sanctifie, hein, jour et nuit, sans arrêt. Donc ça, c'est dans le tafsir de l'imam Ibn Kathir. Il répond à ça. Regardez maintenant qu'est-ce qu'il dit le cheikh. وَصَدَقَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةِ حَيْثُ يَقُولُ عَنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ لِهَذَا تَجِدْهُمْ لَا يَعْتَمِدُونَ عَلَىٰ أَحَادِيثِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين فلا يعتمدون لا على السنة ولا على إجماع السلف وآثارهم وإنما يعتمدون على العقل واللغة وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار السلف وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم. Et ça c'est une parole donc de Ibn Taymiyyah qu'il mentionne, qui est tirée du volume 7 dans Majmu' al-Fatawa à la page 119. Le cheikh Ibn Taymiyyah il dit à propos des gens de la passion et des gens des bid'a, il dit tu trouveras ces gens-là, ils ne se basent sur aucun hadith. C'est-à-dire, il ne se base pas sur les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni sur les sahaba, ni sur les tabi'in, ni sur les imams des musulmans. Et il ne se base pas non plus sur la sunna, ni sur le consensus des salaf et les narrations des salaf. Il se base uniquement sur leur raison et sur la langue. Hein, les preuves rationnelles, soi-disant, comme ils appellent eux, et les preuves linguistiques. C'est tout. Ils ne se basent pas sur la révélation et sur ce qui vient d'Allah. Et tu les trouves, tu trouveras pas qu'ils vont se baser sur le tafsir qui est rapporté, qui est basé sur les narrations des hadiths. Hein, ou bien qui mentionnent les hadiths et les paroles des salaf. Non. Ils se basent seulement sur les livres de littérature et sur les livres de philosophie que leurs chefs ont écrits et leurs leaders ont écrits. Hein? C'est là-dessus qu'ils se basent. Après le chef dit, Qultu, fadu'atu l'intikhabat, la ya'tamiduna fi fahmihim lil-kitab wa sunnah ala athari salafi min as-sahabati wa tabi'in, wa innama ya'tamiduna ala al-aqli wal-lugha, fadallu wa adallu kathiran, wa min thalika dalal. ما استنبط من الآيات الكريمة السابقة جواز المعارضة بحجة أن الملائكة اعترضت على الله عز وجل والله المستعان. وقد تقدم معنا كلام النفيس لابن القيم حول إحداث التفاسير المخالفة لتفسير السلف. لشيخ الزي la parole de Ibn Taymiyyah qu'on a lu maintenant, ça s'applique parfaitement à la parole des gens qui appellent à la démocratie. Ils ne se basent que sur leur propre compréhension du Coran et de la Sunna. Et ils ne se basent pas sur le Coran et la Sunna et sur les paroles des salaf ou sur les paroles des sahaba et des tabi'in. Ils ne se basent que sur leur raison et sur la langue. Alors ils se sont égarés eux-mêmes et ils ont égaré beaucoup de monde avec eux. Et parmi les exemples d'égarement, c'est le fait qu'ils ont extrait du verset, par exemple, qu'on a mentionné dans Surat al-Baqarah, lorsque les anges posent la question à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se basent là-dessus pour justifier les oppositions aux dirigeants. Ça, c'est grave, quand même. Hein? Ils utilisent ça pour justifier l'opposition aux dirigeants en disant que les anges se sont opposés à Allah. Subhan Rabbi al-Azim. Comment quelqu'un peut dire ça alors que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran à propos des anges, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah dit à propos des anges, ils ne peuvent pas désobéir à Allah, ils ne peuvent pas désobéir à Allah dans les ordres que Allah donne et ils font ce qu'ils sont ordonnés. Et il y a d'autres versets aussi qui mentionnent ça. La yasbiqunahu bil qawl. Ils ne le dépassent pas dans leurs paroles. Qu'est-ce que Allah dit? Exactement. Juste après, Allah il répond, après il dit, « قَالُوا إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ » Moi je sais ce que vous ne savez pas. Donc ça y est. Vous voyez les choses de cette façon, superficielle et limitée. Les anges, ils voient ça comme ça. Mais ils ne savent pas qu'est-ce que Allah sait au sujet de qu'est-ce qu'il a créé sur terre et qu'est-ce qu'il a fait dans les êtres humains. Donc ça c'est un exemple aussi de la façon dont Allah leur a répondu. On voit clairement que c'est clair. Et on a expliqué aussi déjà dans le livre, dans les cours passés, dans un des cours qu'on a fait, on a parlé de la parole de l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyyah lorsqu'il a parlé des gens qui font des tafsirs et des interprétations du Coran qui sont en contradiction avec les tafsirs des salaf. Donc vous trouvez ces gens-là aujourd'hui, comme Qardawi, comme Tariq Ramadan, et comme beaucoup d'autres également parmi les modernistes, Tariq Souaydan, Al-Ghazali, Mohamed Al-Ghazali, tous ces gens-là, ils font le tafsir du Coran par leur raison. Des fois ils l'écrivent, mais des fois ils le parlent aussi, ils le disent aussi, mais aussi ils l'écrivent, ils ont des livres aussi. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les versets du Coran et les interprètent sans mentionner de preuves, sans mentionner de références, sans mentionner de hadith, sans retourner au salaf. Et s'ils veulent essayer de vraiment essayer de tromper les gens, ils vont retourner à des tafsirs des Mu'tazilas, ou les tafsirs des Shia, ou des tafsirs des Soufis, ou des gens de Bid'a, qui ont dit des choses qui sont en accord avec leur passion, ils vont le mentionner comme si c'était des références ou comme si c'était des preuves. Hein? Et s'ils trouvent des hadiths ou des versets qui vont en contradiction avec ce qu'ils disent, ils le cachent et ils le déforment. Hein? Ou bien ils prennent une partie des hadiths qui sont en accord avec qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils veulent, et ils cachent l'autre partie qui est en contradiction avec ce qu'ils veulent que les gens sachent au sujet de ces choses-là. Donc ça, c'est les exemples de l'attitude de ces gens-là. Maintenant, le cheikh, il explique le dernier point, et c'est un point très très important. Le cheikh, il dit « Al-mulahazatu al-thaniyat ashar » Le douzième point, on a fait le onzième tantôt, là c'est le douzième maintenant. Les paroles de Zindani, encore une fois, il dit « قال فنقول لهؤلاء المغمورون والمفتونون بها بها لأنها في جوانب كما قلت جوانب تتفق مع شرعنا مع شرعنا وديننا فنقول لهم ماذا تريدون قالوا نريد الديمقراطية ليش لأنها فيها الحرية وهذا موجود في دينكم وما تبحثون عنه من حق عند غيركم هو في الدين هو باسم الإسلام هو في الدين هو باسم الإسلام فقالوا شورى فقولوا شورى وقولوا أمر بالمعروف ونهي عن منكر وقولوا نصح وقولوا تحاكم إلى كتاب الله وأعطوا أسماءها الإسلامية ولكن ها هو الذي نقصده ونحن نسميه ديمقراطية نقول لهم لا مشاحة في الاصطلاح ولكن الأولى أن نسميها باسمها. Donc qu'est-ce qu'il veut dire dans ce passage? Al-Zindani, il est en train encore une fois de lancer de la poudre aux yeux. Il dit فَنَقُولُ لِهَاُلَا الْمَغْمُورُونَ الْمَفْتُونُونَ. Et le cheikh en bas de page, il met un commentaire à ce sujet-là ici. Il dit بالديمقراطية يعني قوله المغمورون أو المفتونون خطأ لغوي وصوابه المغمورين المفتونين لكثرة الأخطاء اللغوية عند الرجل أضربنا صفحا عن تتبعها. Le cheikh dit il y a une faute en arabe dans la langue arabe ici lorsqu'il parle, au lieu de dire فنقول لهؤلاء المغمورون المفتونون, ça devait être منصوب. Pourquoi? Parce que il y a le harf jar, le lam, et après ça devrait être marmourin al-maftounin, et non pas al-marmourun al-maftounun. Mais il dit dans ces paroles, il y a tellement de fautes d'arabe, de grammaire, qu'on a cessé de les mentionner, on a cessé de les calculer. Avec le sens? Non, mais c'est juste pour indiquer que des fois il parle mal l'arabe quand il parle. C'est un arabe. Mais les Arabes, quand ils parlent, il faut savoir que les Arabes, quand ils parlent arabe dans la rue, ou bien quand ils parlent devant les gens, ils ne parlent pas en respectant les règles de la grammaire arabe. Hein? Ils parlent comme les gens, par exemple les Québécois, quand ils parlent, hein, des fois ils parlent n'importe comment, sans faire attention aux règles de grammaire. Eh bien, les Arabes font la même chose avec leur langue. C'est-à-dire, ils parlent dans leur dialecte. Ou bien il parle d'une façon, mais il parle sans respecter les règles de grammaire. Et bien, il y a des chouyours comme ça, hein, des chouyours de différents pays. Quand ils parlent aux gens, ils leur parlent d'une façon, mais ils ne respectent pas les règles de grammaire. Et ça, en même temps, c'est pas bien. C'est sûr que c'est pas bien. Quelqu'un peut faire des fautes, c'est sûr, personne n'est parfait. Mais je veux dire, il y a des fautes comme si, quand c'est des grands chouyours, c'est des ulama, quand ils font des fautes comme ça, c'est... ça montre qu'ils ne font pas attention. Donc le cheikh il dit, on dit à ces gens-là qui ont la fitna pour la démocratie, ils aiment la démocratie trop. Il dit qu'est-ce qu'on va dire à ces gens-là, hein? Il dit il y a des choses, ok, dans la démocratie qui sont en accord avec notre religion et qui sont en accord avec notre charia. Donc on va leur dire, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Ils disent, on veut la démocratie. Pourquoi? parce que dans la démocratie, il y a la liberté, il y a ça, ok. Mais là, le cheikh, il répond, il dit, mais ça, c'est déjà présent dans votre religion. Ce que vous cherchez de la vérité chez les autres, il est déjà dans votre religion, dans le nom de, au nom de l'islam, dans le nom de l'islam. Donc, dites, au lieu de dire démocratie, dites shura, ou bien vous dites ordonnance du bien, interdiction du mal, ou bien vous dites le conseil, an-nusr, ou bien vous dites de juger par le livre d'Allah. C'est-à-dire ils veulent jouer, et là il est en train de leur dire, écoutez, ce que vous aimez chez les démocrates ou dans la démocratie, ça existe chez nous, il y a des noms pour ça, puis c'est des noms islamiques. Et là, il essaie de dire que chez les koufars, qu'est-ce qu'ils ont comme démocratie? Nous, on a la même chose, mais c'est connu par d'autres noms. Oui, c'est une dernière qui dit ça. Alors qu'en réalité, on sait très bien que la shura, c'est pas la même chose que la démocratie, que l'ordonnance du bien et que l'interdiction du mal, c'est pas la même chose que la démocratie, que la nasiha, c'est pas du tout non plus la même chose que la démocratie. Hein? Donc, il essaie d'induire les gens en erreur de cette façon. Il dit de juger par le livre d'Allah, dites juger par le livre d'Allah, ainsi de suite. Donnez à ces choses, à la démocratie, des noms islamiques. Mais, il dit, mais, ce que vous voulez, nous, il dit, ce que vous voulez, nous on l'appelle démocratie. Donc, on leur dit, il n'y a pas de problème avec le nom. Vous pouvez utiliser les noms que vous voulez. L'important, nous, quand on l'utilise à notre façon, à nous, dans notre signification. Donc ça, c'est la façon dont les gens de Bid'a, les Hizbiyin, jouent avec les mots. Ils vont dire le mot démocratie, mais ils veulent pas dire avec le mot démocratie, ils veulent pas dire la même chose que les koufars. Et donc, ils induisent les musulmans en erreur, et ils induisent les koufars en erreur. En faisant croire aux koufars qu'ils parlent de la même chose qu'eux, alors que c'est pas vrai, et en faisant croire aux musulmans qu'ils parlent de la même chose que les koufars, mais c'est un langage codé. En voulant dire, bon, on va utiliser le mot démocratie, mais on parle pas du tout de la démocratie, on parle de d'autres choses. Donc tu sais pas en réalité, est-ce qu'ils parlent de ça ou non? Est-ce qu'ils parlent démocratie ou non? Est-ce qu'ils parlent d'islam ou non? Et puis ils disent à la fin, la machaha ça fait l'istilah. Ça c'est une parole que les ulama disent. C'est-à-dire, c'est pas le terme ou la terminologie, c'est pas un problème. Ok? C'est pas un problème de la terminologie que tu utilises. L'important, c'est qu'on est d'accord sur les principes. Mais les principes de la démocratie et les principes de l'islam sont opposés. Donc, tu peux pas dire la machaha ta fait l'istilah. Et c'est ça ce que le cheikh va expliquer. Et Qardaoui, il utilise la même ruse, la même chose, dans ses écrits. Et donc, Tariq Ramadan, la même chose. Il utilise un mot que les koufars aiment, et parce qu'il sait que c'est un mot qui est à la mode, et qui est apprécié des koufars, que les koufars aiment ce mot-là, il l'utilise pour les rapprocher, pour ça déjà pour dire, ben, si on utilise ce mot-là, ils vont nous accepter, ils vont nous aimer, ils vont aimer ça, donc on va l'utiliser. Hein. Les koufars aiment le mot démocratie, on va le faire. Mais on va l'interpréter à notre façon. Ils aiment le mot justice, on va utiliser le mot justice, mais à notre façon. Ils aiment le mot laïcité, ok, on va utiliser le mot laïcité, mais nous on va lui donner un autre sens. Ils aiment le mot féministe, on va utiliser le mot féministe nous aussi, mais on va lui donner une autre interprétation islamique soi-disant. Et en faisant ça, ils déforment la réalité de l'islam, et ils mentent aux gens, et ils induisent les gens en erreur. Donc, c'est pour ça que par la suite, ils se font accuser d'avoir un double langage. En réalité, ils n'ont pas un double langage. Ils ont le même langage pour les musulmans, pour les non-musulmans. Sauf qu'ils ont une double signification aux mots qu'ils utilisent. Et c'est ça, c'est plus dangereux encore que le double langage. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a avertis contre les gens qui ont deux visages. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a avertis contre les gens qui ont deux langues. Ils ont une langue avec ceux-là, une autre langue avec ceux-là. Un visage avec ceux-là, un autre visage avec ceux-là. Et les salafs, ils disaient, « Iyakum watalawun bid-din, au fid-din. » C'est-à-dire, faites attention de ne pas être coloré dans votre religion. Avec lui, tu es bleu. Avec l'autre, tu es rouge. Avec l'autre, tu es jaune. Tu changes de couleur comme un caméléon. Hein? Tu t'adaptes avec les gens avec qui tu es, tu veux t'infiltrer avec eux, puis parler pour qu'ils t'acceptent. Non, ça c'est pas permis. Peu importe où tu es et peu importe avec qui tu parles, tu dois leur dire les choses telles qu'elles sont et clairement. Pas changer de langue et de langage chaque fois que tu parles avec des gens pour qu'ils t'acceptent. Donc le cheikh dit « Qultu wa qad taqaddama ar-radd 'ala ma ishtamala kalamaka hadha » Ça aussi, ça c'est pas bien. Par exemple, des fois les gens comme tu dis, ils sont avec les Québécois, ils veulent faire des blagues avec eux ou parler à leur façon pour se faire accepter d'eux. Le musulman, il doit avoir sa personnalité et il doit se faire respecter pour ce qu'il est, pas essayer d'emprunter la personnalité des autres pour se faire accepter d'eux. Et donc, souvent c'est ça ce qui se passe les Québécois, ou bien que ce soit autre que les Québécois, parce que moi je sais même, ma mère est Québécoise, ma famille c'est des Québécois, ok? Et j'ai grandi dans les écoles avec les Québécois, que ce soit des chrétiens, ou des athées, ou autres, ça c'est pas grave. Hein? Maintenant, alhamdoulilah, il y a plein de Québécois qui sont convertis à l'islam. Donc, alhamdoulilah, ça c'est une règle générale. On doit comprendre une chose, c'est que dans l'islam, on doit, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il est venu pour compléter le plus noble des caractères. Donc, peu importe qu'est-ce que tu sois Québécois ou Haïtien ou Algérien ou autre, que tu es musulman, tu dois avoir le plus noble des caractères. Et tu dois essayer d'amener les gens à adopter cette noblesse-là et à respecter cette noblesse de caractère que tu as en toi. Et donc, tu ne vas pas niveler, niveler par le bas, tu nivelles par le haut. C'est pas, tu ne vas pas te rabaisser à leur niveau pour qu'ils t'acceptent, mais toi tu vas t'élever par ta noblesse de caractère et tu vas les faire eux s'élever vers toi pour qu'ils remarquent ta noblesse de caractère et ta dignité et en même temps qu'ils vont essayer en ta présence de eux de changer de façon de parler pour montrer qu'ils ont à s'élever dans leur comportement, dans leur caractère. Parce que souvent c'est ça malheureusement, comme j'ai mentionné ça souvent, en la présence des gens, des Québécois parfois ou d'autres, ils vont faire des blagues. Ils vont faire des blagues parfois, des choses, ils vont dire des choses perverses ou des choses mauvaises pour faire rire. Et puis ils vont te tester comme ça. Parce qu'il y a des gens comme ça, ils utilisent cette méthode parce que quand ils sont pas capables de dire quelque chose franchement à quelqu'un, ils le disent en blague. Ils disent la même chose qu'ils diraient de façon sérieuse, mais ils le disent en blague. Comme les humoristes. Quand ils veulent pas insulter quelqu'un, ils disent quelque chose insultant, mais en riant. Et donc, les gens ont l'impression, ah, mais c'est une blague. Mais c'est sérieux en même temps. Hein? C'est parce qu'ils n'ont pas assez de courage, ils sont trop lâches pour le dire sérieusement, alors ils le disent en blague. Mais des fois, ce n'est pas une blague, c'est sérieux. Hein? Alors c'est pour ça. Nous, le musulman, on ne doit pas dire, accepter la vérité. Et même quand on blague, on doit être sérieux. Et on doit dire la vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, moi je fais des blagues, mais je ne mens jamais. Il a dit, malheur à celui qui dit des choses fausses pour faire rire les gens. Alors nous, on n'a pas le droit de dire des choses fausses et des mensonges pour faire rire les gens. Il faut rester véridique, même quand on blague. Ok? Wallahu a'lam. Le cheikh dit ensuite, وَقَدْ تَقَدَّمَ الرَّدْ عَلَى مَا اشْتَمَلَهُ كَلَامَكَ هَذَا وَلَكِنْ هُنَاكَ تَعْلِيقٌ عَلَى قَوْلِكَ لَا مَشَاحَةَ فِي الْاِصْطِلَاحِ لَا بُدَّ مِنْهُ قال سعيد عبد العظيم وهكذا وهذا لهذا إذا كان الاصطلاح لا يصادم ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولكل اصطلاح معنى متفق عليه عند أهله فإذا كان الاصطلاح يخالف معناه ما في الإسلام من معان فلا يجوز ذكره على سبيل الدعوة إليه وإن قيد بوصف إسلامي كما يحلو للبعض أن يصنع فيضيف الإسلام للفن أو للاشتراكية أو للديمقراطية على سبيل الترويج للبضائع الفاسدة وإلا فما علاقة الإسلام بالاشتراكية الشيوعية وما علاقة الإسلام بهذا الفن الرخيص فالواجب على كل مسلم أن يتقي الله في أقواله وأفعاله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد Le cheikh, il mentionne les paroles de Saïd Abdul Azim, qui a écrit son livre Al-Démocratie fil Mizan, la démocratie dans la balance. Il dit la question quand les chouïrs disent la mashahata fil istilah, on vous l'a dit comme il n'y a pas de problème dans la terminologie que tu utilises. Tu peux utiliser la terminologie que tu veux. Le cheikh, il dit, ça c'est uniquement si cette terminologie-là, elle ne vient pas en opposition, elle ne vient pas frapper ou s'opposer aux textes qui sont dans le Coran et dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Parce que toute terminologie qu'on utilise, hein, elle a une signification sur laquelle les gens qui l'utilisent sont d'accord. C'est-à-dire, quand on a utilisé une terminologie dans un domaine quelconque, les gens se sont mis d'accord pour utiliser cette terminologie-là. En médecine, il y a des terminologies médicales que les médecins vont utiliser. Ils sont tous d'accord sur qu'est-ce que ça signifie. La même chose en informatique, la même chose en ingénierie ou en d'autres, en droit, hein. Il y a des mots qui sont utilisés, il y a des termes qui sont utilisés, et les gens se sont mis d'accord sur la signification de ces termes. Une fois que les gens sont d'accord sur qu'est-ce que ce terme-là signifie, il n'y a pas de problème, le terme que tu veux utiliser, tu l'utilises. La même chose en islam. Il y a des terminologies qui sont utilisées en islam, dans différentes sciences islamiques, comme dans le fiqh, ou dans le hadith, ou dans le tafsir, ou dans l'usul, ainsi de suite. Les ulama se sont mis d'accord sur la signification de ces terminologies-là, et ils se sont mis d'accord pour les utiliser dans une signification spécifique. D'accord? Maintenant, tant que la signification qui est utilisée, tant que la signification de ces terminologies-là, on est d'accord sur ces significations-là, et qu'elles sont en accord avec l'islam, dans ce cas-là, oui, on a le droit de l'utiliser. Hein? Mais si ces terminologies-là ont des significations qui contredisent les significations qui sont dans l'islam, alors dans ce cas-là, il n'est pas permis de les utiliser dans le sens qu'on invite les gens à ces choses-là. Hein? Et de les relier à des, ou de leur donner des descriptions islamiques, comme certains aiment le faire. Hein? Vous allez voir certains musulmans qui disent l'art islamique, ou le socialisme islamique, ou le théâtre islamique, ou la démocratie islamique, comme s'ils veulent essayer de faire de la publicité pour ces choses-là, hein, au nom de l'islam. Et il dit, quel est le lien entre l'islam et le socialisme ou le communisme? Il n'y a aucun lien entre l'islam et ces choses-là, et il n'y a aucun lien entre l'islam et le théâtre et les trucs de ce genre. Donc, comment voulez-vous associer ces choses-là à l'islam? Donc, dans des cas comme ça, c'est pas permis. Et moi, je rajouterais aussi un point à ça, parce que le cheikh, il dit, le musulman, il doit craindre Allah dans tout ce qu'il dit, et dans tout ce qu'il fait, et Allah, subhanahu wa ta'ala, il mentionne le verset de Surat Qaf, le verset 18, hein, il n'y a pas un mot qu'il prononce, excepté qu'auprès de lui, il y a un scribe, hein, qui est proche, qui note ce qu'il dit. Deux, oui. Donc, ça veut dire que tout ce que tu dis, c'est écrit par les anges. Donc, crée Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, la question d'utiliser les terminologies. Il y a un verset dans Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aux musulmans de ne pas utiliser le terme ra'ina. Et ça, j'en ai déjà parlé dans les cours passés, quand j'ai expliqué ce point-là, mais il n'y a pas de problème de le rementionner aujourd'hui. Ils disent qu'il n'y a pas de problème d'utiliser la démocratie. Hein. Ils avaient écrit, on voit même l'attitude hypocrite de ce membre des Ikhwan Muslimin, ou un des responsables des Ikhwan Muslimin, comme Youssef Al-Qardawi. Il dit, je voudrais ici rappeler que je ne suis pas friand de l'usage de termes issus de langues étrangères telles que démocratie, etc., pour exprimer des notions islamiques. Mais lorsqu'un vocable se banalise et s'emploie communément par les gens, nous ne pouvons pas rester sourds aux usages. Au contraire, nous devons comprendre sa signification afin d'éviter toute méprise et exagération pour ne pas lui donner un sens différent de ce qu'entendent ceux qui en parlent et ou le prônent. Cela garantit que notre jugement sera juste et équilibré. Et il n'est pas gênant que ce terme soit d'origine étrangère, car le jugement ne porte guère sur le titre et le signifiant, mais sur le fond et le signifié. Donc là, Machar a fait l'istilah. Et il se contredit, bien entendu, quand il dit ça. Mais ces gens-là, ils n'ont même pas peur de, de se contredire. Il dit, c'est-à-dire qu'il parle pour plaire aux gens et utilise les mots qui leur font plaisir, même s'il sait très bien que ce qu'il veut dire par ces mots-là n'est pas ce que les démocrates veulent dire. Si ce n'est pas de l'hypocrisie, je ne sais pas ce que c'est. Allah nous interdit dans le Coran d'utiliser des mots qui sont permis si ces mots peuvent avoir des significations fausses dans le but d'éviter les erreurs. Allah dit, ô vous qui croyez, ne dites pas « Ra'ina », favorise-nous, mais dites « Unzurna », regarde-nous, et écoutez. Hein? Un châtiment douloureux sera pour les infidèles. Ça, c'est le verset 104 dans Sourate Al-Baqara. « Ya ayyuhalladhina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u wa lil kafirina azabun alim. » L'imam Ibn Kathir dit au sujet de ce verset dans son tafsir, « Allah le Très-Haut interdit à ses serviteurs d'imiter les mécréants dans leurs paroles et dans leurs actions. Car les juifs cherchaient des mots par lesquels ils cachaient ce qu'ils voulaient vraiment dire, que la malédiction d'Allah soit sur eux. Et l'imam Ash-Shawkani dit au sujet de ce verset dans son tafsir, Fath al-Qadir, la raison de l'interdiction d'utiliser le mot, hein, pourquoi Allah a dit aux musulmans, ne dites pas ra'ina, mais dites unzurna, il dit, la raison de l'interdiction d'utiliser ce mot est que dans la langue des juifs, il signifie une insulte. Lorsque les juifs ont entendu que les musulmans disaient ra'ina au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en voulant dire observe-nous, ils en ont profité pour le dire au prophète eux aussi, en donnant l'impression qu'ils l'utilisaient dans son sens pratique, dans son sens arabe. Donc, pour faire comprendre qu'ils l'utilisaient dans le sens arabe, et en cachant ce qu'ils voulaient dire en réalité. Hein, qu'ils voulaient l'insulter selon le sens du mot dans leur langue. Et là ensuite, il y a en cela une preuve qu'il faut éviter les mots qui peuvent sous-entendre une insulte, une déficience. Même si la personne qui utilise ce mot ne l'utilise pas dans le sens de l'insulte, cela dans le but de fermer la porte et d'empêcher de couper l'élément corrupteur de ceux qui y mènent. Allah leur a ordonné par la suite de s'adresser au prophète sallallahu alayhi wa sallam par un terme qui n'implique pas de déficience et qui a le même sens. Hein, donc, si c'est le cas pour un simple mot comme ra'ina, que dire du mot démocratie qui a une signification de kufr, car la souveraineté du peuple par le peuple signifie qu'il décide de ce qui est halal et de ce qui est haram et non pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on peut dire la même chose dans un cas pareil. Si on n'a pas le droit de dire ra'ina, parce que ça peut vouloir dire quelque chose de mauvais, et qu'on devait dire unzurna, ça vient fermer la porte à l'utilisation de tout autre mot ou terme que les koufars emploient, qui implique une signification qui est contraire à l'islam et aux règles de l'islam. Le cheikh il dit, « Qul tu sadaqa wallah, ma alaqatu l'islam bid démocratiyatil kafira » والانتخابات الطاغوتية المبتدعة وبراءة الإسلام منها كبراءة الذئب من دم يوسف عليه الصلاة والسلام. وأخيرا فيا عبد المجيد اتق الله في الأمة، اتق الله تعالى في الأمة، اتق الله في أبناء الشعب اليمني، فإنك مسؤول أمام الله تعالى عن كل من اغتر بكلامك في هذين الشريطين وغيرهما مما نحى منحاهما، ونذكر الموت وتذكر الموت وفتنة القبر وتذكر يوم القيامة تذكر الموت وفتنة القبر وتذكر يوم القيامة وما فيه من الأهوال، وتذكر وقوفك أمام الله تعالى وسؤاله إياك عما تقول. إن هذه المناقشة ما هي إلا نصيحة أرفعها إليك، عسى أن تجد قبولا من الله ثم منك ومن الشعب اليمني وغيرهم، إن هذه النصيحة ما أردت منها سوى أن أنبهك على بعض أخطائك في هذه الأشرطة عسى أن تجد منك آذانا صاغية وقلبا واعيا ويعقل ما يسمع فتبادر إلى الله بالتوبة وتعلن ذلك للملأ ببراءة للذمة ونصحا للأمة. أقول ليس عيبا أن نبين الأخطاء بل العيب كل العيب أن نسكت عن بعضنا بعضا ونرضي الدنيا في ديننا حتى يعمنا الله بعقاب من عنده. فالله أسأل أن يوفرنا في ديننا ويهدينا سواء السبيل إنه على ذلك قدير. Donc le chef il termine, il dit oui, il a dit vrai, Wallah, il n'y a pas de lien entre la démocratie mécréante et entre l'islam. Il n'y a pas de lien entre les élections et les bid'ah, et les élections innovées et l'islam. L'islam est innocent de ces choses-là, comme le loup est innocent du sang de Youssouf, alayhi salam. Et il dit pour terminer, oh Abdul Majid Azintari, crée Allah pour la Ummah, crée Allah pour le peuple yéménite, parce que tu seras questionné devant Allah subhanahu wa ta'ala pour chaque individu qui a été trompé par tes paroles dans ces deux cassettes et dans d'autres cassettes également qui vont dans cette même direction. Et rappelle-toi de la mort, et rappelle-toi de l'épreuve de la tombe, et rappelle-toi du jour de la résurrection, et qu'est-ce qu'il y a dans ce jour-là. Et rappelle-toi que yani, tu vas être debout devant Allah subhanahu wa ta'ala et il va te questionner au sujet de ce que tu as dit. Et ce qu'on a expliqué aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a donné dans cette explication, c'est uniquement pour te donner un bon conseil, hein, pour que tu puisses être accepté par Allah, puis ensuite que ce soit accepté par toi et par le peuple yéménite. C'est une nasiha que j'ai voulu te faire pour te faire comprendre certaines de tes erreurs dans ces cassettes, pour que tu puisses, en espérant qu'on trouve chez toi une oreille qui écoute et un cœur qui comprenne et qui entend, qui comprenne ce qu'il entend, et que tu te précipites vers la repentance à Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu le fasses publiquement et ouvertement devant tout le monde, pour que tu puisses t'innocenter et donner la bonne nasiha à la umma. Et c'est pas un défaut, c'est rien de mal qu'on montre les erreurs de quelqu'un. Le malheur, c'est de se taire quand quelqu'un d'entre nous fait des erreurs et on accepte que notre religion soit rabaissée, et ensuite Allah nous donne à tous son châtiment, parce qu'on n'a rien fait pour corriger l'erreur lorsqu'elle est arrivée. On demande à Allah de nous faire voir clair dans sa religion, et on demande à Allah de nous guider au droit chemin, et il a la capacité de le faire. Et le cheikh, il donne donc un petit résumé de tout ce qu'il a dit dans ce livre, en quelques points, c'est 13 points, donc on peut les lire, puis on va terminer avec ça. Il dit... لقد اتضح للقارئ الكريم خلال هذا البحث المتواضع بأبوابه الثلاثة ما يلي: من الانتساب للسلفية انتساب للإسلام الخالص والجادة المستقيمة، وذلك لأنها تمثل جماعة المسلمين، وما عداها من الجماعات والأحزاب الإسلامية فهي من جماعة المسلمين. الشيخ الذي كنا expliqué à travers cette recherche dans les trois chapitres. Premièrement, que de se dire salafi, c'est de se dire suivre l'islam qui est pur et d'être sur le chemin droit. Et que la da'wah salafia, elle représente le parti ou le groupe des musulmans. Et tout ce qui est en dehors de ce parti-là, parmi les groupes et les sectes islamiques, font partie des sectes qui sont divisées de ce groupe musulman-là. Ensuite, il dit comme deuxième point, إن النظام الانتخابي هو ما هو إلا وليد الديمقراطية الكافرة. وعليكم السلام. Il dit le suffrage universel, les élections, c'est une partie de qu'est-ce qu'on appelle la démocratie des kuffars. اتضح الثالثا اتضح لنا البون الشاسع بين النظام الانتخابي الديمقراطي وبين النظام الشورى في الإسلام. On a expliqué clairement la différence entre le système démocratique et la Shura. On a vu qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Quatrièmement, تبين لنا أيضا أن شبه دعاة الانتخابات أوها من بوية العنكبوت. On a vu que les shubuhat des gens qui appellent à la démocratie et aux élections, elles sont plus faibles que la toile d'araignée. Point numéro 5, اتضح لنا أن الشورى في الإسلام غير ملزم بها ولي أمر المسلمين. On a expliqué que la Shura dans l'islam, elle ne peut pas être imposée aux dirigeants musulmans. Ensuite, il dit, سادسا تبين لنا الفرق الكبير في قضية اختيار الحاكم بين النظام الديمقراطي وبين النظام الإسلامي. Sixièmement, on a vu la grande différence entre la façon dont on choisit le dirigeant dans le système démocratique et dans le système islamique. سابعاً إن مفسدة واحدة من مفاسد النظام الانتخابي كفيلة برده والإعراض عنه. Il dit septièmement qu'un seul des méfaits qu'on a mentionnés au sujet de la démocratie, c'est suffisant pour le rejeter en entier et pour s'en détourner complètement. ثامنا ظهر لنا أن الإسلاميين من دعاة الانتخابات يقدمون النظام الديمقراطي كمنهج يرونه للتغيير لا دخل للضرورة في ذلك. Huitièmement, on a mentionné, on a clarifié que les islamistes, ceux qui appellent à la démocratie, ils présentent le système démocratique comme étant une méthodologie pour changer la société, et on voit donc qu'il n'y a pas de véracité à la prétention qu'ils ont de dire que c'est par nécessité qu'ils l'utilisent. تاسعا وجوب الحرص على جماعة المسلمين ووحدة كلمتهم. Neuvièmement, l'obligation de faire des efforts pour réunir les musulmans dans une seule jama'a et tenir leurs paroles. Dixièmement, تاسعا اتضح أيضا أن دعاة الانتخابات أعرضوا صفحا بفهمهم لنصوص الوحي في قضيتنا هذه عن فهم السلف الصالح. Deuxièmement, on a vu clairement que les gens qui appellent aux élections, ils se sont complètement détournés de la compréhension des textes de la révélation au sujet de ce point, par rapport à la compréhension des salafs, ils se sont complètement détournés. Onzièmement, تبين أيضا أن تقسيم الديمقراطية إلى ديمقراطية كافرة وديمقراطية إسلامية تقسيم باطل. Onzièmement, on a vu que de diviser la démocratie en deux et de dire qu'il y a une démocratie mécréante et une démocratie islamique, que ça c'est une fausse division de la question de la démocratie. Et deuxièmement, وجوب تقديم النصح لكل مسلم أفرادا وجماعات, l'obligation de donner le bon conseil à tout musulman, qu'il soit un individu ou que ce soit pour un groupe. Treizièmement, الإيمان بأن هدية التوفيق بيد الله وحده. قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Ils disent que la foi, ils disent que il faut avoir la foi que Allah subhanahu wa ta'ala, il peut guider qui il veut de la guidance qu'on appelle tawfiq, c'est-à-dire quand il donne réellement le succès que quelqu'un arrive à être bien guidé, et que c'est Allah qui guide dans cette guidance-là. إنك لا تهدي من أحببت. C'est pas toi qui guides celui que tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Et ça c'est dans le verset 56 dans sourate Al-Qasas. Et ainsi que d'autres points qui ont été mentionnés dans la recherche. Donc le cheikh il termine donc de cette façon sa risala en donnant une nasiha générale à tous ceux qui appellent à la démocratie, de laisser tomber ce système-là, et ainsi de suite. Et moi, ben, pour terminer, étant donné qu'on a fini le livre aujourd'hui, alhamdoulilah, je voudrais juste en même temps remercier les frères qui ont assisté, puis en même temps on glorifie Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, qu'on a réussi ensemble à traverser les points qui sont mentionnés dans ce livre-là. Puis on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que les connaissances qu'on a acquises dans ce livre-là soient pour nous une lumière et une guidance pour bien comprendre notre religion et s'écarter des gens qui appellent à l'égarement et qui se détournent de la sunna. Puis aussi on aimerait en même temps demander à tous les groupes et toutes les mosquées et tous les individus et les personnes à Montréal et en Europe et ailleurs dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans qui appellent les musulmans à la démocratie et à ces idées-là, de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, de cesser de suivre cette voie et d'appeler les musulmans à l'égarement de cette façon, et d'unir les musulmans sur la bonne aqidah et sur la vérité, et de cesser la division et l'égarement. Donc on va s'arrêter avec ça, inshallah, et puis donc on va, inshallah, peut-être commencer un autre cours, comme j'expliquerai qu'est-ce qui va se passer. J'enverrai un message aux frères et aux sœurs sur le site, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.